désert s'ouvre sous un ciel de feu. La poussière danse autour des silhouettes bleues. Riders qu'il chevauche, ombre solitaire, chaque pas grave son nom dans l'éther. Les murs du salon tremblent de peur. Le piano s'éteint quand résonne l'honneur. Un regard suffit pour tracer la loi. Dans le Far West, tout s'écrit au col froid. Les visages fermés se cachent au volet. Les pas du cowboy font trembler les pavés. Sous son chapeau, un éclair brûlant. Riders qu'il marche, le monde est tremblant. Gunsmoke reason, fire in the sky. Whiskey blood and a cowboy's cry. Texas soul where the wild winds blow. Gunsmoke horizon, that's the way I go. Chaque duel laisse des croix de bois. Chaque nuit saigne dans les plaines froides. Mais la route appelle, le feu consume. Riders qu'il avance malgré la brume. Les étoiles brillent sur les temps passés. Chaque nom gravé dans la poussière glacée. Le whisky calme les plaies. Le cowboy marche son pas qui hante. La légende vit écrite en flamme. Riders qu'il grave son nom dans les âmes. Gunsmoke horizon, fire in the sky. Whiskey blood. Smoke horizon, that's the way I go. Un dernier souffle, poussière d'ouest. Riders qu'il survit, cowboy céleste.